gars. Ouais, ouais. L'amour apporte souvent bien plus que la passion, mais aussi parfois son lot de désolation. Quand la complicité s'en va pour faire place au néant, transformer un cœur en un glaçon géant. Quand la fracture se creuse et que le couple s'envenime, il ne reste qu'après je t'aime, tu fais chier comme il. Dur de se relever quand les coups sont portés, verbal ou physique, ça reste dur à avaler. Rappelle-toi les premiers jours, rappelle-toi les erreurs de parcours, tant de choses partagées, aujourd'hui en proie à se déchirer. De cette union dès l'après, mais que restera-t-il? Des larmes et des regrets si vous restez ainsi fébrile. La force d'un couple, c'est de savoir se parler, même si c'est dur quand un des deux ne pense qu'à s'amuser. Faut savoir prendre du beau temps sans oublier d'être aimé. Et le fruit de cet amour, le point de non-retour, n'est jamais atteint si un effort est fait de la part de chacun. Ouais, si un effort est fait de la part de chacun. L'amour pour toi c'est quoi? Pas un simple mot passe-partout, en tout cas un amour réel, une passion fusionnelle. Pour le meilleur et pour le pire, le dicton est vrai. L'amour pour toi c'est quoi? Pas un simple mot passe-partout, en tout cas un amour réel, une passion fusionnelle. Ce qui resserre les liens, c'est galère du quotidien. Quand mon regard croise le tien, te tenant la main. Quand je te regarde dans tes yeux, je vois mon reflet heureux. Quand je te vois, quand j'entends ta voix, mon cœur se met à battre, mes veines palpiter. Jamais je te quitterai, j'ai trouvé ma double moitié. Tu me fais rêver d'une terrible beauté. Tu me fais réaliser la chance que j'ai d'être à tes côtés. J'ai tellement peur de te perdre, tu t'aimes de tout mon être. Si je ne t'aurais pas, je ne serais plus que l'ombre de moi. On dirait que je suis dans un monde merveilleux. Tu fais de moi l'homme le plus heureux. Que tu me laisses, j'en ai peur, car c'est sûr que ça briserait mon cœur. Quand on trouve l'amour de sa vie, notre vie commence réellement et jamais ne se finit. Je t'ai trouvé ma double moitié et jamais je te laisserai me quitter. L'amour pour toi c'est quoi? Pas un simple mot passe-partout, en tout cas un amour réel, une passion visionnelle. Pour le meilleur et pour le pire, le dicton est vrai. L'amour pour toi c'est quoi? Pas un simple mot passe-partout, en tout cas un amour réel, une passion visionnelle. Ce qui resserre les liens, c'est galère du quotidien. L'amour pour toi c'est quoi? Pas un simple mot passe-partout, en tout cas un amour réel, une passion fusionnelle. Pour le meilleur et pour le pire, le dicton est vrai. Six, deux, huit, quatre, zéro. Issue de secours. Momo Inaki.